Il est 18h. Évariste Ndikomanyanga. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce journal édition de la soirée de ce samedi 5 juin 2021. Donc voici d'abord la charpente. Les membres du parti Prona qui se disent de l'opposition crient toujours à la réunification de ce parti. La correspondance de ces derniers lance un appel vibrant au président de ce parti de conduire un processus inclusif de renouvellement des organes de ce parti. La commission Vérité et Réconciliation indique qu'il est difficile de connaître les vraies victimes de 1972 en province de Muyinga. Le président de cette commission indique que les ressortissants de Muyinga ont été conduits dans les provinces de Ngozi ou Gitega pour y être tués. Le niveau des eaux du lac Tanganyika a déjà baissé à 6 cm, indique l'environnementaliste Bernard Sindayehebura, qui lance un appel au pouvoir public de ne plus attribuer des parcelles dans le littoral du lac Tanganyika pour éviter des nouveaux catastrophes. Rebonsoir et bienvenue, Innocent Imunimana, sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page politique et le parti Iprona qui se dit de l'opposition demande au président de ce parti reconnu par la loi de revenir sur sa décision de rassembler les Badassigana et de conduire un processus inclusif de renouvellement des organes de ce parti. Dans une correspondance adressée à Abel Gachati, président de l'Iprona, le deux courants des Badassigana de l'opposition reconnaissent le salut de ce parti dans le rassemblement. De son côté, l'Iprona, conduit par le député Gachati, a promis à la radio Isanganiro de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Le point avec Moïse Msako. Lorsqu'il avait été élu pour diriger ce parti de Gwagasore, le député Abel Gachati avait été chargé commission le rassemblement des Badassigana. Ces ipronistes qui se disent de l'opposition indiquent qu'ils ont approché l'autre camp avant les élections de 2020 sans succès suite aux préparatifs des élections de cette année, mais qu'ils se sont fixés rendez-vous au lendemain de ces dernières, comme cela transparaît dans cette correspondance. Au mois de novembre 2020, des initiatives de l'Iprona de l'opposition ont été reprises avec la médiation du vice-président et ils sont accordés sur le principe du rassemblement à travers des congrès qui étaient organisés par ce parti. Le comité central du parti Iprona du 27 février 2021 a décidé que les congrès communaux de ce parti soient organisés sous la bannière du rassemblement des Badassigana. Ces congrès ont été tenus dans 14 provinces sur 18 avec une grande satisfaction des Badassigana pour suivre cette correspondance. À la grande surprise, lit-on dans cette correspondance, des contestations sont venus du rang du président de ce parti. Des militants du camp du député Gachati ont saisi le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire pour protester les résultats des congrès communaux, arguant qu'ils ont été exclus. Par après, le ministère ayant dans ses attributions la gestion des partis politiques a annulé les résultats de ces congrès et a recommandé l'initiative du dialogue pour faire valoir des positions consensuelles, ajoute la correspondance. Le parti Iprona de l'opposition dit être surpris d'entendre le président du parti Iprona reconnu que la reprise des congrès communaux se ferait en leur absence. Ces ipronistes de l'opposition regrettent la démarche du député Abel Gachati, indiquant qu'il ne suit pas les recommandations du ministère de l'Intérieur. De son côté, l'Iprona conduit par le député Abel Gachati a promis la rédaction Isanganiro de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Merci à Moïse Misago pour tous ces détails. Désaccord entre le personnel de la commune Makamba, province Makamba, celui-ci est accentué par les correspondances adressées au gouverneur provincial et à l'administrateur communal de Makamba. Les détails avec Jérôme Akizimana. Tout a commencé après la lettre du gouverneur adressée au président du conseil communal de Makamba en date du 23 mai de l'année en cours. Dans cette note, Françoise Ngozilazana, informe son conseil communal Makamba que les noms des personnes qui étaient proposées pour occuper les postes de secrétaire exécutif permanent, du conseiller chargé des questions politiques, administratives, juridiques et sociales, et du conseiller chargé des questions économiques, du développement et des statistiques, n'ont pas été approuvées, lit-on dans cette note. Les raisons mises en avant par cette autorité provinciale sont entre autres l'incompétence pour le premier, tenant compte de son cahier de notation, les conduites pouvant perturber la vie sociale de la commune, les manifestations des comportements d'insubordination pour le deuxième, qui passe 8 ans à ce poste, et enfin, l'incompétence pour le troisième qui occupe ce poste depuis 2005, car, lit-on dans cette lettre, pendant tout le temps qu'il a occupé ce poste, le rendement n'est pas suffisant. Françoise Ngozilazana a en effet recommandé au conseil communal de vouloir bien tenir une réunion extraordinaire au plus tard 2 semaines pour proposer d'autres noms et lui transmettre le rapport dans les plus brefs délais. Les deux ont ensuite écrit au gouverneur sur 3 juin une lettre de 4 pages, l'objet étant, je cite, « Ise sagugwa jubutunzi ga komine bukugwana mustaneri wa komine Makamba » fin de citation, traduit littéralement « La malversation de la caisse communale faite par l'administrateur de la commune Makamba. Ils reviennent au grand point qui pousserait l'administrateur de cette commune à refuser qu'on continue à occuper ses postes, comme on peut le lire dans cette lettre. La rédaction des lettres ne s'est pas arrêtée par là. Le lendemain de ce 3 juin, la comptable AI de cette commune a écrit à l'administrateur lui faisant savoir que les démissions à ses fonctions les inscrit en faux contre ce qu'elle qualifie d'harcèlement lui infligé de la part de l'administrateur. Toutefois, selon toujours cette lettre, il est demandé de regagner son poste de régisseur de la caisse d'avance. Plus d'un parmi la population de la commune Makamba s'interroge comment ces autorités collaborent-elles, vu que la situation est devenue tendue, et demande aux échelons supérieurs de se saisir de cette question pour l'intérêt général des citoyens. Jérôme Hakizimal depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci à Jérôme Hakizimana pour tous ces détails. L'on a tenté de contacter au téléphone l'administrateur communal de Makamba pour sa réaction, mais sans succès. Une courte pause. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques s'étonne de voir le gouvernement constater des irrégularités dans le secteur aujourd'hui, dans ce secteur aujourd'hui, alors qu'il est représenté dans toutes les sociétés minières au Burundi. Gabriel Siri, président de cette organisation, donne l'exemple de Rainbow, accusé de ne pas verser les redevances dans les caisses de l'État alors qu'elle passe 6 ans d'exploitation. Il trouve que l'État devrait organiser des états généraux sur les questions économiques, y compris les contraintes minières. Suivez Gabriel Sidi, patron de l'Olcom. Premièrement, et à son basant sur la convention d'exploitation minière d'Ogakara, dans cette convention, il est clair que les deux parties doivent être au courant de ce qui se passe à travers un organe qui devait être opérationnel en déjà 30 jours de la signature de la dite convention. Cet organe que je fais allusion, c'est l'Assemblée générale qui décide et qui donne des orientations en matière d'exploitation minière des terres rares d'Ogakara. Dans cette convention que je viens de citer, le gouvernement du Burundi détient 10% des actions. Les Burundais détiennent 39% des actions. Et la société internationale Leombo détient 50% des actions. Pour Olicom, il est vraiment incompréhensible d'entendre que le gouvernement du Burundi, depuis le 27 mars 2015, à ce jour, ça fait 6 ans, qui n'était pas au courant de ce qui se passe dans la dite société. Alors qu'il est représenté au plus haut niveau de cette société mixte. Qu'est-ce qui a fait que pendant plus de 6 ans, il n'y a pas eu de contrôle? Donc, pour Olicom, il y a un grand problème en matière de gestion. Il est anormal de voir que cette convention n'aurait pas été suivie à la lettre, alors que le gouvernement et dans cette société. L'année passée, le gouvernement du Burundi avait mis dans l'objet général de l'État plus de 7 milliards de francs en provenance du secteur minier. Mais pour l'exercice budgétaire qui va commencer bientôt, le gouvernement du Burundi a mis seulement 3 milliards, c'est-à-dire il y a plus de 4 milliards de moins. Raison pour laquelle qu'il faut qu'il y ait les États généraux sur ces questions afin de trouver des solutions durables. Parce que nous voyons que toutes les solutions qui ont été trouvées, ce sont des solutions inadéquates. Le président de l'ALUCOM s'exprime après que l'État ait suspendu les exportations minières, expliquant que les conventions et textes miniers sont lacunaires. Page justice transitionnelle à présent, impossible de connaître le nombre de victimes de la crise de 1972 à Muyinga à partir des restes humains de différentes fosses communes. Pierre Claver Ndaïchadié, président de la commission Vérité et Réconciliation, fait savoir que les enquêtes menées dans cette province prouvent que beaucoup de gens ont été conduits à Ngozi ou à Gitega pour y être tués, tandis que d'autres étaient jetés dans la Ruvubu et dévorés par des animaux sauvages. Il indique également que le rôle de la CVR est de mettre en évidence une vérité libératrice contribuant à la guérison des mémoires. Les détails avec Pierre Clavé Barundi. Environ 500 restes des victimes de la crise de 1972 ont été exhumés des différentes fosses communes de la province de Muyinga, en nombre de loin inférieur, si l'on en croit Pierre Clavel Ndaïchadié, président de la commission Vérité et Réconciliation, qui fait savoir que certaines victimes étaient conduites à Ngozi ou à Gitega, tandis que d'autres étaient jetées dans la Ruvubu ou tout simplement dévorées par des animaux sauvages. La plupart des victimes ont été dévorées par les animaux sauvages. Pour le cas de Muyinga, il faudra noter que les victimes arrêtées, les victimes tuées, il y en a qu'on a conduit à Ngozi, d'après les informations des témoins. Il y en a qu'on a conduit vers Gitega. L'action de la CVR n'étant pas toujours comprise, Ndaïchadié explique que le rôle de cette commission est de mettre en évidence la vérité qui guérit les âmes. La vérité de ce qui s'est passé pendant ces différentes crises, c'est une vérité qui doit être inclusive et qui doit être libératrice et surtout contribuer à la guérison des mémoires blessées. Parce que on ne peut pas bâtir la paix tout en marchant sur les fosses communes. Il indique par ailleurs que d'autres enquêtes se poursuivront pour clarifier ce qui s'est passé dans d'autres crises qu'a connu le Burundi. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Claver Barundi. Page agriculture, cette fois-ci à Bubanza. Les cultivateurs du café de la commune Musigata en province de Bubanza sont contents de la hausse du prix du café qui est passé de 550 francs burundais le kilo à 700 francs. Ils demandent cependant que ce prix continue à monter pour cette culture d'exportation et déplorent le fait que même les cultures vivrières sont plus chères sur le café. Et certains ont déjà abandonné cette culture pour s'occuper des cultures vivrières. À la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, on explique qu'ils sont à pied d'œuvre pour sensibiliser et montrer à la population qu'elle ne devrait pas abandonner cette culture industrielle aussi importante pour le cultivateur. Et pour le cultivateur et pour l'État, les détails avec Space Caritas Cabagnana. Ces cultivateurs rencontrés sur la colline Gatare en commune Musigati reconnaissent les efforts de l'État qui a dernièrement revu à la hausse le prix du café qui est passé de 550 francs à 700 francs le kilo. Ils demandent cependant que ce prix soit encore revu à la hausse pour cette culture industrielle et déplore le fait que c'est une culture exigeante et qui donne ses fruits après des années, contrairement à ceux qui s'occupent des cultures vivrières, qui récoltent chaque année deux fois par an et le prix de ces cultures est souvent supérieur à celui du café selon les caféiculteurs contactés. Ils indiquent également que beaucoup avaient déjà abandonné le café pour s'occuper des cultures vivrières. Ce caféiculteur de la colline Gatare dit que le cultivateur de café est plus pauvre que ceux qui s'occupent des cultures vivrières. Emmanuel Ndikubaganwa, directeur provincial à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza, indique que les moniteurs agricoles sont à l'œuvre pour sensibiliser afin que les cultivateurs s'occupent encore beaucoup plus de cette culture d'exportation. Maintenant, nos techniciens communaux et collinaires sont à l'œuvre pour sensibiliser que les caféiculteurs qui avaient abandonné la culture du café, qu'ils puissent encore reprendre l'action pour que ça se fasse très bien. D'après Vanneux, que même c'est une culture d'exportation qui donne beaucoup de devises au niveau du pays, voire même qui aide familles et ménages. À côté des responsables agricoles, les autorités administratives dans toutes les localités indiquent aussi qu'elle ne cesse d'expliquer et de sensibiliser la population sur l'importance de cette culture industrielle. Spécialitas Kavanyana en commune Musigati pour Radio Isanganiro. Merci à Spécialitas Kavanyana. Le niveau des eaux du lac Tanganyika a baissé jusqu'à 6 cm d'après le professeur Bernard Sindai Hebura, expert environnementaliste. Il signale que la montée du niveau des eaux du lac jusqu'à 90% s'observe souvent au mois de mai. Il tranquillise la population et demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour bannir les constructions anarchiques. Suivez professeur Bernard Sindaihibura au micro de Jean-Marie Mayonga. Environ 90% du maximum du niveau de lac s'observe au mois de mai. Et c'est pour cela qu'on a observé donc son maximum. C'était le 14 mai 2021 où on a enregistré une cote qui était estimée à 776,58. J'ai mesuré avant-hier, donc ce jeudi, le 3 mai. Donc le lac avait baissé de 6 cm. Donc il était au niveau de 776,52. D'après donc les mesures que j'ai pu effectuer donc l'année passée, j'ai pu calculer ce que moi j'appelle l'évapotranspiration journalière qui correspond au niveau de la baisse. Dans une période de 116 jours, c'était du 5 mai 2020 au 27 août 2020, on a enregistré une baisse de 42 cm, c'est-à-dire que le lac va absolument donc baisser. Bien sûr, cette baisse correspond aussi, si on enregistre une forte chaleur, on va enregistrer aussi une forte baisse. Mais je tiens aussi à vous informer que d'après les données que j'ai pu avoir, compte tenu de la crise de 60-64, donc le lac Tanganyika restait là à un niveau élevé, c'est-à-dire qu'il dépasse 775 mètres jusqu'en 2027 pour rejoindre son niveau normal vers 2028. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, le lac va baisser d'après donc, mes analyses. Donc, les gens ne doivent pas s'inquiéter. C'est un phénomène qui est naturel pour les décideurs, pour les scientifiques, même pour les habitants qui vivent à la côte du niveau du lac Tanganyika. Donc, nous avons perdu énormément. Je pense qu'il faut désormais prendre une côte d'alerte donc, en dessous de laquelle il nous faudra désormais construire. Donc, pour éviter les pertes en cas de la montée, parce que je pense que ces phénomènes, donc, on va observer ce même phénomène après une grande période. Donc, pour éviter les pertes énormes, il faut prendre des mesures qui s'imposent. Sport à présent, l'équipe Bumamuru FC de la province Chibitoke a remporté la victoire et la coupe du président après avoir battu l'équipe Flambeau du centre de la province Gitega ce samedi au stade des Gatwaro de la province Kayanza, 3-1. L'équipe Bumamuru FC représentera le Burundi dans la prochaine compétition de la Coupe des Confédérations de la CAF, édition 2021. Actualité internationale. En actualité internationale, au Burkina Faso, au moins 100 personnes ont été tuées par des hommes armés dans une attaque du village de Sotan dans la région du Sahel Nord, selon des sources sécuritaires. Une attaque qui s'est déroulée dans la nuit de vendredi à 4 à ce samedi 5 juin. Les assaillants ont aussi incendié des habitations et le marché. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bimoniman pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikubanyanga. Bonne soirée, bonne nuit chez vous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. L'huile de palme, une denrée rare et chère sur les différents marchés de la capitale économique Bujumbura, constate Burundi Eco, qui précise que le prix de ce produit de première nécessité a augmenté de façon exponentielle, plus de 60% en moins d'un mois. Selon Festus Chiza, représentant légal de l'Association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi, Apropabu, interrogé par son confrère, environ 13 hectares de palmeraies ont été inondés à Dama suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Il explique, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, que les racines des palmiers à huile ne résistant pas longtemps à l'eau, tous ces palmiers n'auront pas de productivité. De son côté, Augustin Kabaragasa, directeur général de l'Office de l'huile de palme OHP, précise que les principales raisons de cette pénurie sont entre autres la saison qui n'est pas propice à une grande productivité de l'huile de palme. Une autre raison évoquée est la multiplicité des dérivés de l'huile de palme. Et comme le précise Kabaragasa, toujours dans Burundi Eco, sur plus de 4 tonnes produites au cours du troisième trimestre, 38,26% ont été vendus aux grandes entreprises comme Savonor, qui achète à des prix intéressants, surtout pour les producteurs de grandes quantités. Cette autorité explique toujours dans les colonnes de Burundi Eco que l'huile vendue à ces entreprises est utilisée pour fabriquer d'autres dérivés de l'huile de palme et la faible quantité d'huile qui n'est pas transformée en d'autres produits retourne sur le marché à un prix élevé, inabordable pour la grande majorité de la population. Et cela fait que la quantité restante ne satisfait pas la demande, explique toujours cet hebdomadaire spécialisé dans les questions économiques. Les technologies de l'information et de la communication TIC freinent l'apprentissage de l'orthographe du français, s'indigne la voix de l'enseignant, bien qu'elle présente des avantages dans la communication et surtout dans le domaine de la recherche. Des enseignants du secondaire et des universités affirment que le TIC rend fainéants les apprenants. Ils ne veulent plus prendre note en classe dictée par l'enseignant. Et au secondaire, fait remarquer ce journal, les élèves préfèrent écrire eux-mêmes au tableau et au supérieur. Les étudiants optent pour l'achat des syllabus des enseignants ou font recours à des photocopies des notes. Un enseignant de l'université demande à ses collègues du secondaire d'essayer de parler français pendant les cours et d'obliger la prise de notes par dictée dès la 7e jusqu'à la fin des humanités. Ils arriveraient à l'université avec un bagage suffisant pour pouvoir prendre note, conclut-il, toujours dans la voix de l'enseignant. Revue de la presse. La Russie se retire, l'espoir renaît, mais, nuance le journal Iwachu, qui écrit aussi que l'eau retrouve peu à peu son lit et que certains habitants essaient de réhabiliter leur maison dans l'espoir de se réinstaller d'ici peu. Un sinistré des inondations à Kinyinya 1 en zone Gatumba plaide pour des travaux d'urgence pour maîtriser la Russie. Notamment le curage et la construction des digues, rapporte son confrère. Des craintes aussi, s'alarme un sinistré interrogé par cet hebdomadaire. En effet, explique-t-il, dans cette partie récemment inondée, la situation hygiénique est précaire. Les eaux ont aussi détruit des toilettes, certaines ont débordé. Aujourd'hui, avec le retrait progressif de l'eau, l'endroit devient irrespirable. Une odeur pestilentielle s'en dégage. Des asticots, des mouches grouillent un peu partout. Il propose une campagne de pulvérisation. Cet homme signale en outre, toujours dans Iwachu, un risque de menace sécuritaire, expliquant que nombre de personnes ont vu leur champ de riz, de haricots endommagés, et certains ne vont pas accepter de mourir de faim, prévient-il. Dans les colonnes de l'hebdomadaire Iwachu, qui précise que 2226 ménages de Gatumba ont été touchés par les dernières inondations, selon les données officielles. Les activités de construction du poste frontalier de surveillance de Mugina, en commune Mabanda de la province Makamba, vont bon train, rapporte l'agence burundaise de presse ABP. Un budget de 79 millions de francs burundais est prévu pour terminer la construction des bâtiments et l'installation des mobiliers, précise l'ABP, soulignant que les dispositifs de lavage des mains sur ce centre de dépistage des personnes entrant et sortant du Burundi sont déjà installés. Enfin, ce quotidien rappelle que la mise en place de ces infrastructures permettra la réouverture de la frontière entre le Burundi et la Tanzanie, qui a été fermée au début du mois de janvier 2021. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.